j'attends la paix, hey. J'suis le best, M de la baisse, hey. J'veux ma liasse, elle veut mon mariage, hey. J'emmène ma tasse, salon de massage, hey. Ils ont pas d'inspiré, hey. J'suis la pauvre en pigé, hey. Ils ont pas de centimètre, hey. Ils ont pas de continent. J'ai un petit cadeau pour madame, un mini cadeau pour maman. Une nouvelle peufra pour mon check, ouais ouais ouais. J'veux un F3 genre métallisé dans la poche, j'veux sourire quand j'me fais verbaliser dans la poche. Monsieur l'âge, prends ton arme, vas-y baisse, tout est mort. Ouais ouais, j'fais bien mes mots, signe pas, j'redémarre, hey. Il me faut la Benzo, il me faut la Aston, il me faut le M7777, il me faut le Range Rover, il me faut la Mustang, il me faut le S7777, il me faut la Benzo, il me faut la Aston, il me faut le M7777, il me faut le Range Rover, il me faut la Mustang, il me faut le S7777. Ils ont le zen dans la white, on a le zen dans la maille. La cité full of white, sa pilule ça met la gouache. La vie c'est dur comme un salade pondé, hey hey. J'te rappelle mon baby, là j'attends le payday. On fait la maille comme Nevers, devant la cage comme Neuer. Devant le cash vers Nevers, on fait les fers à sévères, hey hey hey. J'veux le matin des grandes montiques, j'veux l'Urus de Bédezo. J'peux me faire pépon dans la tête, même si j'ai quitté le zoo. Nique sa mère l'argent du CDI, hey. J'ai pas de temps dans le rap, pas besoin de sucer des beats, hey. Et tous mes types savent très bien des beats, hey. Faut qu'une boîte manuel, je veux plus passer les vitesses. Il me faut la Benzo, il me faut la Aston, il me faut le M7777, il me faut le Range Rover, il me faut la Mustang, il me faut le S7777. Il me faut la Benzo, il me faut la Aston, il me faut le M7777, il me faut le Range Rover, il me faut la Mustang, il me faut le S7777.